Le procédé n'est pas nouveau, mais il est généralement efficace. Il suffit d'une simple caisse et d'une accréditation diplomatique. Ajoutez une poignée de gros bras et un homme qui possède quelques notions médicales. Le tour est joué. Vous pouvez procéder au rapatriement forcé d'un individu avec lequel vous souhaitez avoir une conversation soutenue et en toute discrétion. Mais parfois, il peut y avoir des ratés, des gabelous trop curieux ou des manifestations intempestives du locataire de la caisse sont susceptibles de faire échouer l'opération. C'est ainsi que des agents des services secrets du président Nasser ont été surpris sur l'aéroport de Rome alors qu'ils étaient en train d'embarquer une malle qui contenait un espion auquel ils avaient beaucoup de questions à poser. Mais ce n'était certainement pas la première fois que cette malle aux espions, conçue pour transporter un voyageur dans les meilleures conditions possibles de confort et éviter les désagréments provoqués par la brutalité des bagagistes, était utilisée par les agents de Nasser. Il ne fait nul doute que des moyens de transport semblables ont été imaginés par d'autres services secrets. C'est pourquoi, lorsque M. X a évoqué la mésaventure d'Oumarou Diko, je me suis aussitôt souvenu de ce ratage des Égyptiens. Cependant, avant de l'entendre, je veux vous livrer mon impression. Mon interlocuteur m'a semblé plutôt content d'évoquer cette affaire où les hommes de l'un des services secrets les plus réputés au monde ont été pris la main dans le pot de confiture. La scène s'est passée en plein centre de Londres, dans un quartier cossu. Un Africain sort d'un bel ensemble résidentiel. Il porte une tenue traditionnelle, une longue robe blanche. Il est coiffé d'un petit calot et ses grosses lunettes lui donnent un air distingué. Mais à peine a-t-il fait quelques pas sur le trottoir qu'une camionnette jaune canarie pile à sa hauteur. Plusieurs hommes en surgissent, le saisissent, le projettent à l'arrière du véhicule qui démarre aussitôt. Ouais. Et il n'a pas résisté ? Bah, impossible. Et puis cet homme plutôt petit n'était pas de force face à ces hommes costauds et décidés. Mais comme je vous connais bien, j'imagine que ce n'est pas par hasard que vous avez évoqué la couleur de la camionnette, un jaune canarie. En effet. Avouez que lorsqu'on veut procéder à un enlèvement sur la voie publique, on peut utiliser un véhicule plus discret, non ? Autre erreur. Le kidnapping a eu lieu devant le domicile de la victime. Oui, pardonnez-moi, mais en quoi est-ce une erreur ? Ben, un familier, un proche peut être témoin de l'enlèvement et donner l'alerte. Et c'est ce qui s'est produit ? Oui. La secrétaire de cet Africain se trouvait à une fenêtre et elle a assisté au kidnapping. Et elle a immédiatement téléphoné à la police ? Ben, évidemment. Alors, avant de voir la suite, un petit retour en arrière, si vous voulez bien. L'homme qui a été prestement enlevé s'appelle Oumarou Diko. Qui est-ce, hein ? C'est un ancien ministre nigérian. C'était même le principal collaborateur du président Sechu Sagari, un président démocratiquement élu en 1979, après plusieurs années de dictature militaire. Cependant, en 1983, quelques mois avant l'enlèvement que je viens de vous raconter, Sagari a été victime d'un putsch. Ouais, donc les militaires sont revenus au pouvoir. Et comme d'habitude, ils ont promis de rétablir la démocratie une fois qu'ils auront remis de l'ordre et moralisé la vie politique. Ouais, ben voyons. En réalité, ils vont instituer une véritable dictature. Et de putsch en putsch, il faudra attendre 1999 pour assister à un authentique retour aux urnes. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et vous l'avez appris récemment, la situation demeure toujours chaotique au Nigeria. Alors, revenons à l'histoire d'Oumarou Diko. Très proche du président Sagari, j'imagine qu'il a dû fuir son pays lorsque les militaires se sont emparés du pouvoir. Forcément. Et dans des conditions très rocambolesques. Se sachant recherché, il s'est d'abord caché quelques jours dans la capitale, Lagos. Heureusement pour lui, il a réussi à se procurer une soutane et s'est déguisé en prêtre qu'il a passé la frontière du Togo sur un cyclomoteur. Puis il s'est envolé pour Amsterdam avant de se fixer à Londres. Il a donc trouvé refuge chez l'ancien colonisateur. Bon, comme le font naturellement presque tous les opposants nigérians lorsqu'ils doivent quitter leur patrie. Oui, mais est-ce que Diko avait des raisons sérieuses de devoir craindre les militaires ? Incontestablement, je vous explique. D'abord, il faut savoir que si les Nigérians vivent dans une extrême pauvreté, leur pays est riche. Oui, le pétrole. Bien sûr. Le Nigeria, véritable géant de l'Afrique avec ses 110 millions d'habitants, est le principal producteur du continent. Mais vous savez bien que le pétrole fait rarement le bonheur d'un pays. Oui, à cause de la corruption. Oui, mais il n'y a pas que ça. Quand cette ressource est la principale richesse du pays, elle est souvent aléatoire, car le prix du baril fluctue. D'autre part, si l'exploitation n'est pas accompagnée d'installations de transformation, elle rend le pays étroitement dépendant de l'étranger. Enfin, il faut veiller à gérer rigoureusement cette rente pétrolière afin d'éviter de trop s'endetter. Or, quand le prix du baril baisse, la tentation est grande de faire appel aux prêteurs internationaux. Ouais, bref, le Nigeria est victime de sa richesse. Là. Surtout lorsqu'au début des années 80, sous la présidence de Chagari, le pétrole perd 60% de sa valeur. Enfin, si vous voulez bien, revenons à Diko, Baba, comme on l'appelle. Baba. En Yoruba, ça veut dire le vieux. Et il est si vieux que ça? Pas du tout. Il n'a même pas la cinquantaine, mais c'est peut-être à cause du respect qu'il inspire. Baba, donc, est originaire du nord du Nigeria. Il a fait ses études dans un établissement où on forme l'élite nigériane. Puis il part pour Londres, où il passe avec succès une licence de maths. Il travaille aussi un temps à la BBC avant de revenir au pays. Mmh. Et la politique, non? Ben, ça le démange très tôt. À Londres, il est par exemple leader d'une organisation d'étudiants nigérians. Et quand il revient chez lui, il est nommé commissaire aux finances de l'État, où il réside. Il faut rappeler que le Nigeria est un État fédéral. Hein. En effet. Puis Diko grimpe peu à peu les échelons. Toutefois, la grande chance de sa vie, c'est sa rencontre avec le futur président Chagari, dont il devient le beau-frère. Ah oui, ça aide. Hein. Surtout en Afrique, où les rapports familiaux sont très importants. Il faut aussi ajouter que son propre frère sera nommé conseiller pour les affaires pétrolières. Ah ben, ça, c'est un poste clé au Nigeria. Hein. Ah, forcément. Ouais. Donc, quand Chagari est élu à la présidence, Diko se trouve presque naturellement au cœur du pouvoir et il devient ministre des Transports et de l'Aviation. Cependant, c'est un poste qui dissimule la vraie nature de ses fonctions. En fait, Diko est le numéro 2 du régime. Et certains ont même comparé son pouvoir à celui de Focard sous la présidence du général de Gaulle. Oui, une éminence grise en somme. Et un homme très influent. C'est si vrai que le président lui confiera le soin d'organiser sa future campagne électorale. Mais c'est une autre fonction qui attire l'attention sur lui. Quoi ? Le riz est une composante traditionnelle de l'alimentation des Nigérians. Or, le pays n'est pas autosuffisant et doit donc, par conséquent, importer des quantités considérables de riz. Des importations et des distributions qui ne donnent pas entièrement satisfaction. Aussi, le président Chagari a-t-il décidé de créer un organisme spécialisé qu'on va appeler un peu pompeusement la Task Force on Rice. Une sorte de commando. Qui doit mettre de l'ordre et stabiliser les prix. Et c'est Diko qui est chargé de diriger ce nouvel organisme gouvernemental qui va réguler des importations d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Diko qui va aussi signer les contrats avec les importateurs. Ouais, je vois où vous voulez en venir. Ouais, la tentation est en effet très grande de se servir au passage, ou d'exiger des pots de vin des producteurs et des transporteurs. Ouais, d'autant que Diko, vous l'avez dit, est en même temps ministre des Transports. Ouais, hein. C'est ainsi qu'il va se constituer une immense fortune. Certains ont même parlé d'un milliard de livres. C'est un effet colossal, ça. Hein. Et cette corruption systématique qui profite aussi au parti présidentiel est l'une des raisons qui va pousser les militaires à agir et à chasser Chagari. Mmh. Donc, Diko, pour revenir à ce que vous disiez, avait d'excellentes raisons pour fuir son pays au moment où les militaires se sont installés au pouvoir. Certainement, car il aurait dû répondre de ses malversations et ça serait sans doute très mal terminé pour lui. Ouais, alors, il s'exile par conséquent à Londres. Où il a l'audace de faire des déclarations très hostiles au nouveau pouvoir nigérian, au nom de la démocratie, bien entendu. Mieux. Il annonce son intention de réunir les opposants en exil et de lutter contre les militaires. Alors, les militaires dont il devient la bête noire. Dans une interview, il parle même d'un djihad à mener contre le régime putschiste. Est-ce qu'il est musulman ? Franchement, j'en sais rien. Mais comme il est originaire du nord du Nigeria où l'islam est majoritaire, c'est fort probable. Et il n'utilise pas, enfin, ce terme de djihad. Oui, parce qu'il espère peut-être soulever les populations musulmanes. Je le pense, oui. Il va donc faire l'objet de cette tentative d'enlèvement. Je vais y revenir longuement. Ouais, ouais. C'est bien ce que j'espère. Mais enfin, en attendant, pouvez-vous m'expliquer pourquoi, enfin, si ces malversations sont prouvées, les nouveaux maîtres du Nigeria n'ont pas demandé à Londres simplement son extradition? Sans doute, mais ça aurait aussi été très long. Vous avez vu combien de temps les autorités judiciaires britanniques ont retenu cet islamiste pourtant soupçonné d'avoir financé les attentats de 1995 en France. Or, les militaires nigérians étaient relativement pressés. car il voulait mettre la main, au plus tôt, sur la fortune de Dico. Ah oui, cet argent volé. Oui, et disons-le tout de suite, beaucoup plus que le bonhomme, c'était ces dizaines ou peut-être même ces centaines de millions de dollars qui les intéressaient. Et si Dico tombait entre leurs mains, il se faisait fort de lui estorquer les numéros de ses comptes en banque. Oui, bah, par tous les moyens. Bah, par tous les moyens, évidemment. Et ensuite, il serait toujours temps de le juger et vraisemblablement de l'exécuter. Peu après l'enlèvement d'Umaru Dico, le journal Le Monde embrosse le portrait suivant. Cet homme pèse à lui tout seul 1,4 milliard de dollars, dit-on à Lagos. Alhaji Umaru Dico, l'homme le plus recherché par les autorités nigérianes, a été désigné dès le lendemain du coup d'État du 31 décembre 1983, qui a mis fin au régime civil de M. Shegu Shagari, comme bouc émissaire, symbole de la corruption qui a gangrené l'administration nigériane. Il y avait quelques raisons à cela. Beau-frère du président Shagari, M. Dico, qui était ministre des Transports et de l'Aviation dans le dernier gouvernement civil, était en réalité le numéro 2, voire, selon certains, le véritable homme fort du Nigeria. Organisateur de la campagne électorale du chef de l'État lors de l'élection présidentielle du 6 août 1983, il s'occupait également des campagnes électorales du parti présidentiel, le NPN, National Party of Nigeria. M. Dico était en outre chargé de la coordination de toutes les importations de produits alimentaires du Nigeria. Aucun contrat important ne pouvait être signé sans son aval, c'est-à-dire sans que de juteuses commissions soient prélevées au passage. La fortune de M. Dico, dit-on à Lagos, a été essentiellement constituée par des détournements de fonds et des pots de vin, notamment par le biais des contrats d'importation de riz. Le pouvoir nigérian s'est donc résolu à enlever Dico. Pour lui arracher ses secrets, oui. Ouais. Et c'est là qu'interviennent les services secrets. Bien sûr, puisqu'il s'agit de conduire une action parfaitement illégale dans un pays étranger avec lequel on entretient de très bons rapports, même si parfois il existe des tensions. Ouais, à cause de la colonisation, enfin, je pense. Bien sûr, ça laisse des traces. Et les Britanniques ont tendance à considérer qu'ils sont encore un peu chez eux au Nigeria. Ouais, c'est comme toutes les ex-puissances coloniales. Hein. Ouais, enfin, quoi qu'il en soit, vous savez que les Anglais n'apprécient guère qu'on se livre à ce genre d'opérations illégales sur leur territoire. D'autant que peu de temps avant, il y a eu ce grave incident devant l'ambassade de Libye. Ouais, c'est le meurtre d'une femme policier britannique par un occupant de l'ambassade libyenne. Oui, une affaire qui a secoué l'opinion publique et provoqué son indignation, car protégés par leur immunité diplomatique, les personnels de l'ambassade ont pu quitter libre le bâtiment. Mm-hmm. Par conséquent, les autorités nigérianes doivent marcher sur des œufs. Bon, ici, une parenthèse qui ne vous étonnera pas. Les militaires au pouvoir à Lagos ont bien évidemment nié toute implication dans cette affaire. Oui, alors qu'ils en étaient les commanditaires. Bien entendu, chercher à qui profite le crime. La principale difficulté, c'est que si les Nigérians disposent bien d'un service secret, ces agents ne sont pas assez compétents pour organiser une telle opération dans un pays européen où la police est particulièrement efficace. Alors, ils vont donc chercher de l'aide. C'est ça. Mais où? C'est là que ça devient extrêmement curieux. Expliquez. Les Nigérians vont se tourner du côté de Tel Aviv. Mais attendez, pourquoi faire appel aux Israéliens et quels seraient les intérêts de ces derniers pour se mêler d'une telle affaire? Écoutez, j'essaierai de satisfaire votre curiosité, mais un petit peu de patience, s'il vous plaît. Et puis, notez bien que j'ai parlé d'Israéliens, ce qui n'engage pas obligatoirement l'État hébreu en tant que tel. Mais je vous ai demandé un peu de patience. Ouais, décidément, vous avez bien le suspense. Hein. Bon, chacun ses coquetteries. Respectez les miennes. Bien obligé. Bon, alors je poursuis. Des Israéliens sont donc associés à l'opération. Ce sont même eux qui vont la concevoir. Et sans vous dévoiler tout de suite le poteau rose, je peux quand même vous dire que les Israéliens ont formé pas mal de services de sécurité en Afrique. Pourtant, la plupart des pays africains ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël. Hein. Après la guerre de Kippour en octobre 1973, c'est vrai. Mais il n'empêche que des liens informels ont subsisté. Et puis, il y a les relations d'affaires. Plusieurs dizaines de sociétés israéliennes étaient implantées au Nigeria. Ça permet bien des échanges. Enfin, on y reviendra. Et attendez, combien d'Israéliens vont-ils être impliqués là? Ben, au moins 4. Et ils seront naturellement secondés par des agents nigériens en poste à Londres ou envoyés là-bas à cette occasion. Toutefois, il en faut d'abord localiser Dico. Oui, parce qu'il se cache. Bien entendu. Il a de bonnes raisons pour cela. Et les gens qui ont résolu de l'enlever doivent se livrer à un véritable jeu de piste pour retrouver sa trace dans une ville aussi vaste que Londres. Parce que On sait qu'il se trouve à Londres. Bah, c'est en tout cas très probable. Mmh, ah oui. Une telle quête, là, doit mobiliser pas mal de monde. Hein. Et le soutien d'une solide organisation. C'est bien ce que vous voulez dire. Bah, oui, mais moi, je ne suis pas un spécialiste comme vous. Ah, hein, mais enfin, j'imagine. Vous voulez toujours chercher à me piéger. Alors, bon, soit. Il y a beaucoup de monde derrière. Voilà. Vous êtes content? Oui. Mais je note que vous n'avez pas encore parlé du Mossad. Ça ne tardera pas, rassurez-vous. Bref. Après de sérieuses investigations, en particulier dans la communauté africaine, Diko est enfin logé, comme on dit dans la police, et la surveillance commence. Oui, parce qu'il faut tout savoir de ses habitudes avant d'intervenir. Hein. Forcément. Et le 5 juillet 1984, le commando passe à l'action dans les circonstances que je vous ai racontées au début de cet entretien. Alors, quand même, si c'est le Mossad, ça ne lui ressemble pas, cette camionnette jaune canari en particulier. Bon, laissez-moi continuer. Hein. Dès que la secrétaire de Diko a donné l'alarme, Scotland Yard se mobilise. Ah, ils cherchent la camionnette jaune. En même temps, les ports, les gares et les aéroports sont mis sous surveillance. Les aéroports, justement. Stansted est un aérodrome de fret situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Londres. La veille, un avion cargo nigérian s'y est posé. Ses soutes étaient vides. Et le pilote a déclaré qu'il devait convoyer plusieurs caisses sous bordereaux diplomatiques qui seraient expédiées par l'ambassade nigériane à destination de Lagos. Ouais, jusque-là, rien n'est étonnant. En effet. Toutefois, sur ordre de la police britannique, les agents de sécurité nigériens présents à bord n'ont pas été autorisés à quitter l'enceinte de l'aéroport. Et pourquoi ? Londres soupçonnait les militaires nigérians de vouloir s'en prendre à des exilés qui avaient trouvé refuge en Grande-Bretagne. Mais depuis le putsch. Oui. Les Britanniques disposaient donc déjà d'informations relativement précises. On peut en effet le penser, même s'ils ne savaient pas que c'est spécifiquement Diko qui serait visé. Quoi qu'il en soit, 3 heures après l'enlèvement du politicien nigérian, la camionnette jaune se présente devant les grilles de l'aéroport de Stansted. Un citoyen nigérian, brandissant un passeport diplomatique, en descend et demande à entrer pour déposer 2 caisses qui doivent être acheminées dans son pays. À bord de cet avion de cargo là, qui a atterri la veille. Et la camionnette est autorisée à entrer ? Ben, tout à fait. Et la police des frontières autorise même le transbordement des caisses dans les soutes du Boeing 707 nigérian. Alors que Scotland Yard a transmis le signalement de la camionnette. Bizarre, non ? Je suis d'accord avec vous. En fait, police et douane britanniques voulaient pincer les Nigérians en flagrant délit. Et il n'était pas question d'autoriser le décollage de l'avion cargo. En effet, ça me paraît cousu de fil blanc, un douanier pénètre dans la soute et, sous prétexte qu'il a entendu un bruit suspect dans l'une des caisses, demande le déchargement des 2 gros colis qui, c'est écrit sur les bordereaux, sont destinés à rejoindre le ministère nigérian des Affaires étrangères. Mais ces 2 caisses-là ne sont-elles pas protégées en raison de leur caractère diplomatique ? En pratique, oui, mais théoriquement... Rien n'empêche un douanier de faire preuve d'une curiosité excessive, mais légitime. Et dans de nombreux cas, ça a permis de découvrir que certaines valises diplomatiques transportaient des armes ou même de la drogue. Alors, en l'occurrence, les 2 caisses sont transportées dans un hangar et elles sont ouvertes en présence d'un représentant de l'ambassade nigériane. Et là, grosse surprise. Et quoi ? On découvre Diko ? Dans la première caisse, oui. Mais le politicien, qui est inconscient et semble avoir été drogué, n'est pas tout seul. À côté de lui se trouve un autre homme, une seringue à la main. Et il s'avérera un peu plus tard qu'il s'agit d'un médecin anesthésiste israélien qui devait injecter une nouvelle dose de neuroleptique si jamais Diko se réveillait prématurément. Prudent. Et pour éviter tout risque d'étouffement, cet honorable praticien avait aussi pratiqué sur le prisonnier la pose d'une sonde trachéale. Il ne faut pas qu'il s'étouffe, c'est ça. Ouais. Alors, il fallait vraiment que Diko arrive vivant au Nigeria. Et alors, la deuxième caisse ? On va découvrir 2 autres hommes. Et comme par hasard, encore 2 citoyens israéliens. Cette affaire d'enlèvement intervient à un moment où les relations entre le gouvernement de Mme Thatcher et les militaires de Lagos sont assez délicates. Ainsi, voici ce qu'on peut lire dans un numéro de Libération du début juillet 1984. Avant même que n'éclate cette affaire, la Grande-Bretagne avait été la cible de violentes attaques de Lagos. Le numéro 2 du régime militaire avait accusé, jeudi, la Grande-Bretagne d'avoir exploité le Nigeria et de servir de refuge aux fugitifs nigérians responsables de la crise économique de ce pays. Mais il sera plus difficile à la Dame de Fer de se montrer aussi brutale avec le Nigeria qu'elle ne l'a été avec le colonel Kadhafi. Membre influent du Commonwealth, le Nigeria est aussi un partenaire économique de taille, le 10e marché d'exportation pour la Grande-Bretagne et son principal débouché en dehors de l'Europe et des États-Unis. L'affaire est d'autre part révélatrice des choix des militaires au pouvoir à Lagos et qui se sont engagés dans une vague de procès anticorruption. De nombreux ministres, gouverneurs et hauts fonctionnaires de l'ancien régime ont été condamnés à de très lourdes peines d'emprisonnement par des tribunaux militaires siégeant à huis clos sans possibilité d'appel. Un décret a fixé la peine minimum de ces procès à 22 ans de prison, le maximum étant la prison à vie. La Grande-Bretagne avait déjà fait savoir qu'elle refuserait d'extrader Oumarou Diko s'il devait être jugé dans de telles conditions. Après la découverte de ces deux hommes dans l'autre caisse, on en est donc à trois Israéliens. Mais il y en avait d'autres. Mais ces hommes ont pris la précaution de disparaître dès que le succès de l'opération leur a semblé acquis. C'est-à-dire l'enlèvement lui-même. Et ils ne pouvaient pas savoir que les caisses seraient ouvertes à l'aéroport. C'est donc alors une affaire qui a mobilisé pas mal de monde. Hein. Oui, parce qu'il faudrait aussi compter les agents nigérians. Je crois que Scotland Yard a mis la main sur une quinzaine de personnes en tout et de plusieurs nationalités. Et alors, c'est intéressant, c'est de savoir comment ces citoyens israéliens ont-ils, eux, expliqué leur intervention. Ils ont affirmé qu'ils n'étaient que des mercenaires chargés par de riches hommes d'affaires nigérians de s'assurer de la personne de Diko et de le ramener au pays. Alors, ça signifie que dans leur déclaration, ils n'ont impliqué ni Israël, ni le gouvernement nigérian. Et ils s'en sont toujours tenus à cette version. Et au fond, ça arrangeait bien Londres qui n'avait aucune envie de jeter de l'huile sur le feu. Ça allait causer une grave crise diplomatique. C'est évident. Même si le torchon a brûlé entre la Grande-Bretagne et son ancienne colonie et connu un regain de tension. Les autorités nigérianes ont par exemple retenu un temps un avion britannique sur l'aéroport de Lagos. Oui, mesure de rétorsion. Bien sûr, parce que les militaires étaient vexés. Même si Londres, prenant soin de ne pas les mettre en cause directement, s'est contenté d'émettre une protestation toute diplomatique qui s'est quand même traduite par un rappel réciproque des ambassadeurs. Ça, c'est pour le Nigeria. Mais avec Israël, alors? Bon, officiellement, l'État hébreu n'était concerné en aucune façon, même s'il s'est avéré que les kidnappeurs avaient tous fricoté un jour ou l'autre avec le Mossad. D'ailleurs, un peu plus tard, au cours du procès, leur propre défenseur, un célèbre avocat britannique, a pu déclarer que les services secrets israéliens n'avaient sans doute jamais été très éloignés de cette affaire. Oui. Oh, et votre avis, là? Je vous l'ai laissé entendre. Le Mossad a joué un rôle dans cet enlèvement raté. Oui, mais en tant qu'initiateur de l'opération ou simplement en apportant une aide technique, si je puis dire? Un mot auparavant. Même si apparemment Londres a accepté la version des Israéliens mercenaires... Sans mise en cause du Mossad en tant que tel. Hein. Oui, voilà. Il n'empêche qu'il y a eu dans la coulisse une sévère explication de texte entre le contre-espionnage britannique et les chefs des services israéliens. Et c'est la piétaille qui a payé pour tout ce qui est apparu comme une action inamicale et surtout inexcusable sur le territoire de la Grande-Bretagne. Ouais. La piétaille, c'est-à-dire? Les gens qui ont opéré sur le terrain, le médecin, anesthésiste et les deux autres. À l'issue d'un procès où le ministère public s'est bien gardé d'évoquer les sujets susceptibles de fâcher. Et surtout l'implication officielle des autorités de Lagos. Et la mise en cause du Mossad. Donc, à l'issue de ce procès, qui s'est tenu au début de 1985, les accusés ont été lourdement condamnés. Au moins 10 années de prison. Ça, c'est une sorte de vengeance des services. Pourquoi pas? Et surtout un avertissement lancé à tous ceux qui auraient l'intention de régler leurs petites histoires sur le territoire britannique. Et ici, il faut s'attarder sur le cas particulier du médecin. Un praticien qui, en participant à cette opération, a gravement manqué au serment d'Hippocrate. Hein, c'est certain, oui. Donc, ce médecin, par ailleurs, professionnellement très réputé, s'est défendu en affirmant qu'il avait cru agir par patriotisme. Ah, alors, c'est d'ailleurs pour rendre service à son pays. C'est ça. C'est un quasi-aveu, ça. Incontestablement. Mais c'était un secret de polichinelle. Alors, essayons d'aller plus loin. Si, comme j'en suis persuadé, c'est le Mossad qui a agi en tant que tel, comment l'expliquer? Certes, il est déjà arrivé aux Israéliens d'intervenir pour donner un coup de main à d'autres services étrangers. Ouais, des exemples de collaboration? Ils sont relativement nombreux. Ainsi, on peut penser qu'ils ont joué un rôle dans l'affaire Ben Barka, au moins au début. Ils ont aussi collaboré avec les services sud-africains et leur contribution dans les trafics de l'Irangate a été essentielle. Mais il faut le noter, à chaque fois, c'est parce qu'ils estimaient que leurs intérêts le leur commandaient. Ouais, quand même, dans l'affaire Ben Barka, s'ils sont réellement intervenus, ce qui n'est pas établi, Quel était leur intérêt? L'opposant marocain était l'un des leaders de la Tricontinentale, une fédération d'organisations tiers-mondistes qui n'était guère favorable à Israël. Bon, enfin, pas sûr. Ce que je voulais vous dire, c'est que si le Mossad a cru bon de donner un coup de main au service nigérian, c'est que l'État hébreu y trouvait son compte, d'une façon ou d'une autre. Oui, il faut expliquer, alors quel intérêt? La première hypothèse qui vient à l'esprit, c'est le pétrole. Le Nigeria était en effet l'un des principaux fournisseurs d'or noir d'Israël. L'État hébreu pouvait légitimement croire que le changement de régime au Nigeria pouvait avoir des conséquences sur les accords pétroliers qui existaient entre les deux pays. Des conséquences négatives. Certainement. Et lorsque les dirigeants israéliens ont appris que Lagos voulait récupérer Dicko et sa fortune par tous les moyens, ils ont pu être tentés de proposer leurs services et leur expérience. Il faut en effet se rappeler que l'un des exploits les plus spectaculaires du Mossad avait été la capture d'Eichmann et son exfiltration vers Israël. Ouais. Et en contrepartie, alors, les Israéliens auraient pu demander que le Nigeria continue à fournir du pétrole? Ils auraient même pu obtenir des ristournes. Bah, moi, c'est assez convaincant. Cette... Je suis d'accord avec vous. Pourtant, je n'y crois pas trop. Ah ben, pourquoi alors? Ah, pour une seule raison. Si le Mossad s'était complètement impliqué dans une affaire aussi importante, rien moins que l'approvisionnement en pétrole du pays, bah, il serait conduit de façon beaucoup plus professionnelle. Ah oui, alors ces agents n'auraient pas commis ces fautes que vous avez soulignées. Bah oui, la location de cette camionnette jaune Canary, par exemple. Une location qui n'a pas été faite par la partie israélienne, mais par un agent nigérien, on le sait maintenant. Attendez, il me semble que... Tournez autour du pot, là. Des agents du Mossad sont quand même bien intervenus, non? Absolument. Mais ils n'ont pas maîtrisé l'ensemble de l'opération, parce que les chefs du Mossad ont estimé que les intérêts vitaux d'Israël n'étaient pas en jeu. Mais alors, de quoi s'agissait-il? Bah, je crois vous l'avoir dit. De nombreuses entreprises israéliennes faisaient des affaires au Nigeria. Et un certain nombre d'entre elles ne réussissaient pas à récupérer l'argent qu'elles avaient engagé dans le pays, et même prêté à l'État nigérien. Ah oui, alors d'où cette idée d'aider Lagos à mettre la main sur Dicko? Oui, surtout sur l'argent volé. Ah oui, avec l'espoir que ces entrepreneurs seraient dédommagés grâce à la fortune de Dicko. Oui, je le pense, oui. Alors, ben, qui étaient ces entrepreneurs? Il y en avait au moins deux. D'abord, une importante société de travaux publics qui dépendait de la principale fédération syndicale israélienne, l'Istadrout. Ouais. Et la deuxième entreprise? Un consortium suisse dirigé par un capitaliste juif très proche de la droite israélienne. Si proche même qu'il finançait un parti conservateur allié du premier ministre Menahem Begin. Ouais. Ah ouais, un homme là, qui le pouvoir israélien n'avait pas grand-chose à refuser. C'est à peu près ça, oui. En outre, ce mania du transport avait d'excellentes raisons d'en vouloir à Dicko. Quoi? Il avait mis la main sur une part importante du marché du riz. Et c'est son entreprise qui acheminait au Nigeria cet aliment essentiel. Alors il était donc en affaire avec Dicko qui régentait ses importations. Forcément. Ouais. Or Dicko, pardonnez-moi l'expression, l'avait planté. Planté, que voulez-vous dire? Bah, Dicko, après avoir réceptionné le riz, avait omis de lui payer le transport. Et il y en avait pour des millions de dollars. Alors, vous comprenez maintenant, ouais. Il n'a pas été trop difficile à cet ami du pouvoir israélien de convaincre le premier ministre Begin de lui prêter un petit commando du Mossad. Prêter, pour aller enlever Dicko. Et là, on ne peut pas exclure que les agents du Mossad, peu enthousiastes à l'idée de travailler pour des intérêts privés, et traiter l'affaire à la légère. Ouais, ce qui expliquerait les maladresses. Sinon les bévues. Ouais. Mais... Oui, vous ne m'avez pas révélé là le nom de cet ami de Begin. À quoi bon? Et d'abord parce que ce vieil homme a la réputation justifiée de saisir la justice pour un oui pour un non. Alors restons-en là. Je crois vous avoir révélé le fond de cette affaire extravagante qui s'est quand même traduite par un humiliant échec du Mossad. Et c'est pas si fréquent que ça. Hein, un dernier mot, ça vous fera sans doute rire. Parmi les personnes recherchées par Scotland Yard à cause de leur implication dans l'affaire Dicko, figurez le directeur londonien de la compagnie aérienne nationale, Nigerian Airways. Eh bien, ce bonhomme s'était caché plusieurs jours. Et il a fini par quitter le territoire britannique, devinez comment? Dissimulé dans une caisse, lui aussi? Exactement, ce qui prouve que ce moyen de transport n'était pas aussi inédit qu'il y paraissait. J'emprunte la conclusion à un éditorial du Monde, je cite. Depuis le coup d'État du 31 décembre dernier, qui a mis fin à l'expérience démocratique du régime civil de M. Chagari, les autorités de Lagos ne cessent d'affirmer que la corruption générale qui sévissait sous l'ancienne administration est la cause essentielle de la crise actuelle. Monsieur Diko avait déjà été désigné comme le symbole de cette corruption et les militaires nigériens avaient juré d'obtenir son extradition. Milliardaire, l'ancien ministre des Transports avait certes, grâce aux responsabilités qui étaient les siennes, de nombreux moyens de s'enrichir frauduleusement, comme plusieurs centaines de personnalités de l'ancien régime, aujourd'hui incarcérées dans les prisons nigérianes, en attendant d'être jugées pour détournement de fonds, il avait profité d'un système qui permettait tous les abus. Il n'avait jamais caché, d'autre part, son intention d'utiliser toutes les méthodes et toutes les armes pour abattre le gouvernement du général Buhari. Apparemment, on a tenté, avec des méthodes similaires, de le prendre de vitesse. Au-delà de la personnalité de M. Diko, cette affaire illustre la politique de fuite en avant qui semble dominer au Nigeria. Les procès qui se déroulent à Lagos n'ont-ils pas pour but de détourner l'opinion des difficultés que rencontre le gouvernement à surmonter la crise économique ?